La signalisation annonce une voie de détresse, réponse A, un parking, réponse B, un arrêt interdit, réponse C, une déviation, réponse D.